Ici Franck Dessort, aujourd'hui d'histoire, la fin des Beatles. On les aimait encore et on suivait leur musique. On pouvait pas croire qu'ils allaient se séparer. Ça a été l'incrédulité, puis ensuite il a fallu bien accepter cette réalité-là. Il a fallu en faire son deuil. On a voulu à Yoko Ono longtemps. On blâmait Yoko Ono, c'était la faute de Yoko Ono qui était rentrée dans les vies de John, puis elle avait foutu la zizanie dans le groupe et puis tout ça. Mais dans le fond, c'était simplement quelque chose qui était inévitable dans leur vie à eux. Mais pour un vrai amateur des Beatles, c'était comme très difficile de voir ce groupe-là mourir. Ça, c'est clair. L'animateur Charles Tisser à l'émission Attendez qu'on se souvienne le 22 août 2010. Charles Tisser, qui, comme beaucoup d'autres baby boomers, a vécu très durement à la fin des Beatles, certainement le groupe le plus marquant de l'histoire du rock qui, après 10 années d'existence, 8 ans d'une carrière discographique exceptionnelle, annonçait officiellement sa dissolution en 1970. Non sans laisser, il faut le dire, un héritage musical extraordinaire et notamment un dernier disque formidable, Abbey Road. On sentait quand même depuis 68-69 que le côté individuel du groupe prenait beaucoup de place. Je veux dire, bon, John Lennon était avec Yoko, qui était omniprésente à partir de 68. Il y avait des disques solo qui se faisaient, qui étaient, à l'époque, on trouvait expérimental, plus ou moins intéressant. George Harrison était le premier à en faire. Lennon faisait des trucs complètement fous. Donc, on sentait quand même que c'était plus le Fab Four de 64-65 qu'on voyait avec la même coupe de cheveux, les mêmes habits. Il y avait une individualité dans le groupe. Chacun avait sa personnalité. Et c'est un peu normal. Il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé au début vingtaine. Et là, ils approchent de la trentaine. Eh oui. Et les relations entre humains changent beaucoup dans vingtaine. Les conflits aussi apparaissent. Les conflits apparaissent. Les femmes, c'est pas la faute des femmes, mais je veux dire, on s'intéresse. On n'a plus juste nos chums de sortir le samedi soir. Ouais. Quand il y a une femme dans notre vie, le samedi soir, de temps en temps, on ne sortira pas. Donc, les femmes prennent de la place dans le groupe. Et c'est normal. Donc, je pense qu'on l'a senti. Je pense pas que ça a été une surprise de savoir qu'ils se séparaient à l'époque. En tout cas, j'ai pas ce souvenir-là, moi. Le chroniqueur musical et ex-patron de Musique Plus, Pierre Marchand, à l'émission La part des choses, le 8 février 2004. Alors, pour retracer les derniers moments de cette grande aventure musicale, je reçois celui qui est sans aucun doute le fan numéro un des Beatles au Québec, peut-être dans le monde, et qui leur a consacré d'ailleurs un disque intitulé P.S. I Love UK, et aussi un livre « C'est fou, mais c'est tout », l'auteur, compositeur, interprète Gilles Valiquette. Bonjour Gilles. Hey, bonjour. Gilles, on entendait plutôt Charles Tisser parler d'un peu de la façon dont il a réagi, le choc qu'il a ressenti lors de la séparation des Beatles, Pierre Marchand qui nous parlait des signes avant-coureurs. Vous, comment est-ce que vous avez réagi à l'époque de cette annonce-là? Si je me souviens bien, je pense que je n'y croyais pas, parce qu'il faut savoir que depuis que les Beatles sont devenus mondialement populaires, il y avait la machine à rumeurs qui roulait. On a entendu toutes sortes d'histoires pendant des mois, des années. Alors là, un beau matin, on nous dit « Ah, les Beatles se séparent ». Puis on l'avait déjà dit auparavant, ça. Alors, avant que Paul McCartney sort son premier album solo, puis qui envoie un message là, collé là, avec le disque. Les journalistes ont relaté un petit peu le truc. Là, on a commencé à y croire pour vrai. Ouais. Il y a eu ce premier album solo, donc en avril 70, là, ouais. De McCartney, qui allait vraiment sceller l'issue du groupe, ça on le sait. Mais bien avant, bien sûr, en 1969, il y a eu des tensions. Puis on peut même remonter avant cela, au milieu des années 60, lors de différents enregistrements, Revolver, par exemple. Oui, bien... Pour mettre les choses en contexte, faut dire que tout le monde disait, puis les Beatles y croyaient aussi, que c'était pas pour durer longtemps leur truc. Je me souviens que l'expression qu'on disait à l'époque, c'est que ah, les Beatles, ça va durer le temps du twist. Une mode de danse qui a duré là, 2 ans. Alors, ce que toute l'équipe des Beatles s'était dit, c'est qu'on va... on va ramasser tout ce qu'on peut pour le temps que ça va durer. Quand on entend les entrevues qui ont été faites en 63 avec les Beatles, Ringo rêvait d'avoir un salon de coiffure, par exemple. Puis Lennon McCartney disait, ben gars, si on peut finir à faire des chansons pour les autres, on va être bien content. Alors finalement, ça a bien fonctionné en 63, ça a bien fonctionné en 64, puis là, en 65, ça n'arrête pas. Rendu en 66, là, ils sont comme essoufflés, puis quand ils ont terminé leur tournée américaine, George Harrison est arrivé, puis il a dit, ben regarde, là, moi, ça y est, je ne suis plus un Beatle. Puis je pense que ce qui a changé un petit peu le fait que ça aurait dû se terminer là, c'est quand la multinationale EMI est arrivée et a dit aux Beatles, gardez les amis, on est prêts à continuer à travailler avec vous autres, faites d'autres disques, vous n'êtes pas obligés de partir en tournée pour promouvoir le disque puis soutenir tout ça. Alors, on s'est dit, ben regarde, on va faire les disques, ça c'est le fun, on n'est pas achalé par personne, puis le reste, ben on le prendra quand ça viendra. Mais le point tournant, certainement, Gilles, ça a été 1967, le décès de leur gérant Brian Epstein. C'est lui qui les avait mis au monde, en quelque sorte, qui les avait découverts, et qui décède donc d'une overdose. Et ça, ça a conduit donc les membres des Beatles à se mêler des affaires de la gestion. Puis on peut peut-être écouter là-dessus, d'ailleurs, un extrait de l'émission « L'histoire des Beatles » du 12 septembre 2002, qui est animé par Pierre Guérin. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Brian Epstein est trouvé mort dans son appartement quelques jours plus tard, soit le 27 août 1967. Deux jours après les funérailles, McCartney convoque les autres Beatles à son domicile pour discuter de l'avenir du groupe et tente de les convaincre du bien fondé de son projet. Quelques années plus tard, John et George admettront tous les deux avoir éprouvé certaines inquiétudes, voire même du ressentiment à l'égard de cette nouvelle initiative. Lennon affirmera qu'il était déconcerté à l'idée de voir le groupe s'embarquer dans une aventure qui les amènerait à travailler dans une discipline dont ils ignoraient pratiquement tout. Mais les problèmes sont en fait beaucoup plus sérieux. Lennon parlera éventuellement de ce moment comme celui où Paul a ouvertement commencé à prendre le contrôle d'un groupe qu'il considère, à l'époque du moins, toujours comme le sien. Il ira même plus loin, en disant qu'il savait que les Beatles étaient finis aussitôt après avoir appris la nouvelle du décès de Brian Epstein. De son côté, McCartney semble animé par la conviction profonde que son projet connaîtra un succès fulgurant. Mais en réalité, il est inquiet. Magical Mystery Tour est une façon de faire face à l'incertitude, au chagrin et au sentiment de culpabilité qu'ils ressentent tous depuis la mort d'Epstein. Alors, on entendait donc Pierre Guérin parler de cet épisode assez important. Qu'est-ce que représentait au juste Brian Epstein pour les Beatles et qu'est-ce qui a changé après son décès? Bien, le succès dans le domaine de la musique, on est toujours un d'équipe, même si on voit juste un artiste là, sur la scène comme tel, là, c'est parce qu'il y a toute une équipe en arrière. Puis les bonnes équipes, bien, c'est comme les bons athlètes, puis c'est comme les bons performeurs. En quelque part, ils nous donnent l'impression que c'est bien facile, puis qu'il n'y a rien là. Alors Epstein était génial à ce niveau-là, parce qu'il a entouré les Beatles comme il faut. Entouré dans le sens qu'ils ne se sont pas fait achaler avec toutes sortes de détails. Alors ça a paru facile. Alors, quand Epstein n'est plus là, ils ont commencé à se dire, pourquoi faire qu'on ne s'occuperait pas de nos choses nous-mêmes? Il n'y a rien là. Ben, la compagnie Apple qu'ils ont formée, quand même, dans la première année, vous savez que c'est la compagnie de disques qui a eu le plus de succès, en tout cas, une de celles qui a eu le plus de succès au monde. C'est eux qui avaient les deux 45 tours là, qui ont vendu le plus à travers le monde. Il y avait Hey Jude, puis il y avait Those Were the Days. Mary Hopkins. Puis il y a plein d'autres choses. Alors, ils ont amassé beaucoup d'argent. Le problème était qu'ils en ont dépensé plus. Ah oui, c'est un petit détail. Un petit détail, voilà. Il est arrivé aussi Alan Klein, un nouveau gérant. Ça, c'était plus tard. Là, à un moment donné, ils ont dit, regarde, on ne sait pas comment régler le problème, il faudra engager quelqu'un qui connaît ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est vrai que McCartney est ambitieux, puis oui, c'est vrai qu'en quelque part, il y avait des idées. Exercer une certaine emprise. Bien, sans avoir une emprise, c'est que les autres n'en ont pas d'idées. C'est qu'il dit, allons-y. Puis là, n'oublions pas que McCartney, c'est quand même lui qui avait eu l'idée du fameux Sgt. Pepper, puis tu sais, de tout ce thème-là. Puis le Sgt. Pepper, c'était été l'œuvre ultime des Beatles. Ils ont eu 1967. Un succès commercial. Ben oui, comme le succès était commercial et artistique. Alors, il arrive avec d'autres idées. Ben oui, pourquoi pas, tu sais. Ouais, il y a des difficultés interpersonnelles qui se sont greffées à ça, on le sait, au sein du groupe. Et là, on pense tout de suite, évidemment, à ce personnage qui était Yoko Ono. Son arrivée dans le portrait qui allait faire changer pas mal de choses, la compagne de John Lennon, celle que beaucoup de fans aiment bien détester encore aujourd'hui. Une artiste contemporaine japonaise qui a exercé donc un grand ascendant sur John Lennon et qui allait jusqu'à assister d'ailleurs à ses côtés aux enregistrements des disques, ce qui en agaçait plusieurs, et notamment Paul McCartney, qui en témoignait d'ailleurs en 2012 à l'animateur David Frost. Au début, c'était difficile parce que Yoko assistait à nos répétitions. Pour nous, il fallait faire un pas de recul et accepter le fait que John était en amour avec cette femme. Ce n'était pas une relation ordinaire et ce n'était pas une femme ordinaire non plus, il faut le reconnaître. She's not an ordinary woman. You've got to admit that. And if she wants to sit in on the session, it's something that we wouldn't have done. Our girlfriends or wives wouldn't have done that. Mais les autres conjointes n'auraient jamais accepté d'assister à nos répétitions. C'était une règle non écrite. Ça a créé des moments assez inconfortables. Mais au final, ce n'est pas elle qui a provoqué la séparation du groupe. Le groupe était déjà en train de se séparer. Yoko a attiré John dans un autre mode de vie, ce qui l'a mené à connaître beaucoup de succès dans la seconde partie de sa carrière. Il a écrit des chansons comme Imagine et Give Peace a Chance, qui n'auraient jamais vu le jour sans sa rencontre avec Yoko. Donc, on ne peut pas la blâmer. Give Peace a Chance. I don't think he would have done that without Yoko. So, you can't blame her. Donc, les propos assez nuancés, hein, Gilles Valiquette de Paul McCartney. Est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré, d'ailleurs, la responsabilité de Yoko Ono là, dans la séparation des membres des Beatles? Peut-être un peu. Je pense que le commentaire qu'on a entendu au tout début là, de M. Marchand, je pense qu'il était tout à fait juste. À un moment donné, là, quand les blondes puis les femmes rentrent dans le club, c'est pas une question est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire. C'est juste que ça change les la relations. Dynamique. Ouais. Mais dans le cas de Yoko Ono, numéro un, juste le fait de sa présence pendant que les gens sont dans le mode créatif. Ça, déjà, là, c'est un morceau, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Beatles avaient même dit à leur gérant, on ne veut pas te voir la face pendant qu'on travaille en studio. Là. C'est dit. Alors, il fallait qu'ils viennent après. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en quelque part, elle commence à donner des commentaires sur ce que les gars font. Des suggestions. Ben, ouais. Tu sais, il m'a dit, je peux comprendre comment que ça peut être difficile à prendre. Là, n'oubliez pas que ces gens-là sont relativement jeunes. Alors, comment est-ce qu'ils prennent ça? Puis peut-être qu'à travers tout ça, ils sont peut-être un petit peu tannés aussi. Là, ils aimeraient ça s'intéresser à autre chose. Alors, c'est peut-être une des étincelles qui a fait briser le groupe. C'était pas la seule, mais c'est sûr qu'à quelque part... Ouais. On aurait souhaité que ce soit peut-être autre chose. Oui, autre chose. Et justement, les Beatles avaient envie d'autre chose individuellement. Il y avait des différences sur le plan artistique. Pierre Marchand en parlait au tout début. Il y avait des individualités qui s'affirmaient de plus en plus au sein du groupe. Des projets musicaux aussi différents de part et d'autre. Et ces tensions-là, elles apparaissaient de plus en plus clairement. Par exemple, lors du tournage du film Let It Be, autour de l'enregistrement de l'album du disque éponyme, ça, c'est en 1969. Oui. Il y a un moment où il y a un échange assez intéressant, d'ailleurs, un échange acide entre Paul McCartney et George Harrison, qu'on va entendre d'ailleurs dans cet extrait, si vous le voulez bien, de l'émission Attendez qu'on se souvienne de 2010 avec le journaliste François Jouffa. See if we can get it simpler and then complicate it where it needs complications. But it's complicated it's in the complicated, bit. It's complicated, but no, I'll play just the chords. Ben justement, vous me parliez de musique indienne pour l'album Rubber Soul en 1965. Par la suite, il y aura dans l'album Revolver en 66 Love You Too. Vous voyez, George Harrison, qui avait pris des leçons de sitar, l'instrument classique indien, avec Ravi Shankar, un des grands maîtres de cet instrument, déjà partait dans d'autres directions. Paul McCartney voulait rester dans la mélodie. John Lennon, lui, était plus radical, voulait s'engager politiquement, ce qu'il a fait d'ailleurs. Ils se sont séparés intellectuellement, musicalement vers 69 et juridiquement 1970. Ah, Alors, George Harrison, on l'entendait, Gilles Valiquette, ouais. Qui est contrarié un peu de voir Paul McCartney lui imposer une façon de jouer, lui proposer quelque chose, lui répondait assez sèchement, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je vais le faire, ou je vais pas le faire, en fait. Ou je jouerai pas, si tu veux. Ou je jouerai pas, voilà. Non, mais ça illustre bien les tensions qui existent. Oui, mais je pense que ça va tout ensemble. Ouais. Je fais le lien avec les commentaires là, que t'as dit auparavant. C'est que dans les premières années, on sent que tout le monde a le doigt dans la tarte de l'autre. Alors, il y a comme un échange qui se passe tout le temps. Il ne faut pas oublier que ces gars-là sont dans une chambre d'hôtel ensemble tout le temps. Ils sont dans l'autobus ensemble tout le temps. Puis quand ils sortent, ils ont congé, ils sortent ensemble tout le temps. Alors, en quelque part, aller jusqu'au Sgt. Pepper inclus, on sent là, l'esprit de collaboration qu'il y a entre eux autres. Mais à partir du moment où chacun s'en va un petit peu de son côté parce qu'il y a un peu plus de temps, puis c'est ce qu'on sent sur l'album blanc, c'est qu'à un moment donné, Paul arrive avec ses chansons, John arrive avec ses chansons, ouais. George arrive avec ses... Alors, on sent que ces individus-là, c'est eux qui ont le dernier mot sur leur composition comme telle. Alors, quand arrive l'exemple dont tu parles sur Let It Be, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon Paul McCartney est en train de donner ses instructions à George Harrison. Là, George Harrison, à ce moment-là, là, lui, il est habitué de donner ses propres instructions à qui veut bien. Alors, tu te retrouves dans une tribu où il y a plusieurs chefs, puis, ben gars, ça fait un beau film. Oui, j'allais dire George Harrison qui avait ses propres projets musicaux, là, déjà, là, qui voulait d'ailleurs suggérer de plus en plus de chansons de son propre cru. Mais qui était refusé par les autres Beatles, par Lennon et McCartney. Ben, je pense que tout le monde avait des projets parallèles. Ouais. Maintenant, c'est sûr que Harrison a grandi comme créateur de chansons au fil des ans. Mais n'oublions pas qu'au tout début, Harrison n'était peut-être pas si intéressé que ça à faire ses propres chansons, puis il était encouragé par les autres. Alors, à un moment donné, là, c'est sûr qu'au début, il n'a peut-être pas aimé se faire pousser dans le dos, mais à la fin, peut-être qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de place. Mais là, il y a une balance qui se crée avec le temps. Mais ce qui est formidable, Gilles Valiquette, de constater, c'est que même malgré toutes ces tensions, ces difficultés interpersonnelles, ces différents artistiques, les Beatles parviennent quand même à produire des petits bijoux musicaux. Justement, on parlait d'Abbey Road en 69. Ça, c'est un miracle. Moi, je ne sais pas comment ces individus-là ont été capables de mettre de côté certaines de leurs différences. Arriver en studio puis travailler ensemble, c'était quasiment d'autres individus. C'est comme si à l'extérieur des Beatles, c'est quatre petits diables. Puis quand ils sont ensemble dans le studio puis ils travaillent avec George Martin, les anges apparaissent. Oui, il y a une magie qui se produit. Il y a une magie qui se produit. Puis je pense que c'est ça, en tout cas, que moi, j'ai retenu. C'est sûr, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux Beatles, je suis un fan. Ensuite de ça, je suis devenu un professionnel du domaine. Puis j'ai continué à m'intéresser à leur histoire. Puis plus que tu en apprends, plus que tu vois l'aspect incroyable, féerique. Tu sais, les planètes se sont alignées dans leur cas à tellement d'endroits, puis tellement souvent, que c'est ça qui est le miracle qu'on a vu, hein, ensemble. Puis je pense qu'on a été très privilégiés parce que je ne vois pas qui d'autre va voir quelque chose de semblable. Un miracle qui, par définition, ne pouvait pas durer éternellement. Voilà. 1970, donc, c'est la fin définitive des Beatles. C'est annoncé, oui. Si tu me permets, c'est Walt Disney qui disait que dans le domaine du divertissement, une génération, c'est 7 ans. Alors, les Beatles ont vraiment rempli la leur et c'était temps de passer à autre chose. Ouais. Et je sais qu'il y a eu par la suite de nombreuses rumeurs de reformation du groupe. Et à ce sujet, justement, John Lennon, qui allait mourir quelques années plus tard, en 1980, disait en 1973 à la télévision américaine, donnait les raisons pour lesquelles ce n'était pas vraiment possible que ce groupe-là se reforme un jour. Although I haven't been particularly happy personally, même si je n'étais pas très heureux de la situation du groupe depuis un bon bout de temps, je ne voulais pas prendre de décision trop rapide. Je voulais voir si les choses allaient se placer. Il y aura toujours des personnes qui vont se demander pourquoi les Beatles se sont séparés. En fait, les Beatles étaient en train de se désintégrer de l'intérieur. Well, the Beatles were splitting up themselves, you know, disintegrating is the word for it. With or without the present situation, the chances are practically nil, although I hate to say definitely anything. Je ne veux jamais dire jamais, mais je pense que les chances qu'on assiste un jour à une réunion du groupe sont pratiquement nulles. Je n'ai aucune intention en ce sens et je ne pense pas que les autres en ont une non plus. Souvenez-vous, lorsque nous étions ensemble, tout le monde disait que ce devait être fantastique d'être un membre des Beatles, alors que la réalité était bien différente. De plus, une réunion du groupe serait assurément en dessous des attentes des gens. C'est ridicule. What kind of scrutiny they were under, nothing could fit the dream people had of them. So forget it, you know. Yeah. It's just ludicrous. You know? Justement, John Lennon qui parlait du caractère éminemment éphémère de cette aventure musicale, là, Gilles Velquet. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il parle 2-3 ans après que l'association soit terminée. L'autre chose, c'est que là, ils sont pris en cours avec toutes sortes d'affaires. À mon avis, ce n'était pas vraiment le moment pour lui poser la question. Mmh. Maintenant, dans ces dernières années, John était en très bon terme avec Paul. Même qu'ils étaient ensemble, ils écoutaient l'émission Saturday Night Live quand le réalisateur a proposé aux Beatles de venir chanter à l'écran là, pour 3 000 $, un petit peu plus, puis il allait. T'sais. Mais tout ça pour dire... En tout cas, je pense que c'est tout un autre sujet, là, mais celui qui avait vraiment été un petit peu plus difficile dans cette histoire de revenir ensemble, c'était Harrison. Puis quand Harrison, en quelque part, s'est retrouvé un beau matin et s'était fait avoir par son gérant au début des années 90, c'est lui qui a donné le OK au projet Anthologie. Puis là, on a vu tout ce qui est arrivé avec ça. Alors moi, je crois que le temps aurait passé, chacun des membres aurait sorti ce qu'ils avaient à sortir de leur système, puis finalement, ils auraient eux-mêmes réalisé le miracle qu'ils ont vécu ensemble, parce qu'ils ne l'auraient pas vécu ailleurs, c'est sûr. En tout cas, les rumeurs de reformation se sont terminées lorsque John Lennon, finalement, voilà, a rendu l'âme en 1980, comme je le disais tout à l'heure, assassiné à l'entrée de son domicile à New York. Sa mort, qu'elle est donc définitivement clore, ouais, l'histoire de cette aventure musicale. Oui, ce moment-là, à mon avis, était plus dramatique que quand on a entendu la nouvelle que les Beatles se séparaient en 70. Ouais. Parce que là, c'était vraiment le point final. Oui. Cela dit, ils auront laissé, je le disais tout à l'heure, un héritage musical absolument extraordinaire. Et c'est fascinant de voir cette productivité au cours de ces 10 années d'existence. Donc, une productivité et une aventure qui ne pouvait pas durer éternellement par définition, qui ne pouvait pas se prolonger. On pense, par exemple, à certains groupes de cette même période, les Rolling Stones, qui se tournent encore presque 60 ans après. Ça aurait été inconcevable, ça, pour les Beatles. Ben, je pense qu'ils auraient présenté un modèle qui aurait été différent de peut-être ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui aurait été à leur image. Alors, en fin de compte, ça aurait été intéressant de voir comment tout ça se serait déroulé. Maintenant, tu as absolument raison dans le commentaire que tu as mis juste auparavant, c'est incroyable tout ce qu'ils ont pu créer et produire dans le peu de temps qu'ils ont été ensemble. Aujourd'hui, présentement, le cycle normal d'un artiste qui fait des tournées puis des disques, c'est un projet à tous les 3 ans. Mais eux, ils faisaient quoi? 36 bandes maîtresses. 36 bandes. Ça, c'est 3 albums par année, là. Tu sais, puis ils l'ont fait pendant plusieurs années. Puis quand on regarde la qualité de tout ça aujourd'hui, c'est inconcevable. Gilles Velquet, merci beaucoup de votre passage à notre émission. Toujours un plaisir. Ici Franck Dessort, on se laisse, tiens, sur les dernières mesures du dernier album des Beatles, Abbey Road.